Chapitre 9e. Jésus a pu se laisser donner pour Messie, mais il n'a jamais porté atteinte au Dieu unique des Juifs. Dans les trois évangiles synoptiques, il repousse toute assimilation avec la divinité. L'évangile de Jean, écrit dans un esprit tout opposé, lui fait seul et à tort prendre cette qualité. Il répète souvent qu'il n'est pas venu changer la loi, mais l'accomplir. Il affirme qu'il n'y sera pas changé un iode, la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Aussi, lorsque Jean lui fait dire « Mon père et moi, nous sommes une même chose », il est en contradiction, non seulement avec les autres évangiles, mais avec tout ce que Jésus a dit de son respect pour la loi. D'ailleurs, dans l'esprit du Galiléen, c'eût été un horrible blasphème. À un homme qu'il appelle bon maître, il répond « Il n'y a de bon que Dieu seul ». Quand on l'interroge sur l'époque du jugement dernier, il dit encore « Personne ne le sait, pas même le Fils, si ce n'est le Père ». Ces mots de Père et de Fils de Dieu n'entraînaient pas dans la langue des Juifs l'idée d'une filiation divine qui les eût fait hurler. Tous les Juifs se disaient fils, enfants de Dieu, ils l'appelaient leur Père. David, Salomon étaient officiellement traités de fils de Dieu, de Messie, oint, oyente. Jésus enfin nomme Dieu le Père des hommes. Ils ne feront pas donner à ce mot un sens qu'il n'a jamais eu et qu'il n'a pas aujourd'hui chez les Israélites.